Un courant d'air, un souffle, et tu couches par terre. Tu souffres, tu te sens prêt, du gouffre et t'es plus sur terre. Oups, les mains passent à des coupes, les sons sont sincères. Touche, R-A-P, touche, H-H, et touche, E-R. Goûte. Un mix de l'ancienne et nouvelle souche. Quand on commence un tournoi, c'est pour gagner la coupe. Touche, et tu te brûles, qui peut stopper le deux balles cyclone? On est dans notre bulle, donc écoute et ferme ta bouche clone. Sens-tu le souffle sur ta nuque, des jumeaux roots? On ne sait quel est leur but, on ignore quel est leur truc, quel est leur carburant. Lutte, après lutte, tout le temps à contre-courant. Tant qu'il n'y a pas de sang, on ne peut valider, on ne fait jamais semblant. C'est du rap de félidé. Dans cette guerre, les combattants ont tous déserté. Il est temps de se lancer et cracher nos vérités. Auditeur, viens prendre ta raclée. Je sens que t'es heureux d'entendre un travail qui n'est pas bâclé. Lèche le style, on déroule l'expertise. Souhaitant éteindre les flammes que beaucoup baptisent. À bouger de droite à gauche, passe l'arme à gauche. C'est 200 degrés à l'ombre, donc ne loupe pas le gauche. C'est vigilance orange, avez-vous senti cette brise? C'est le début de la tornade, préparez vos valises. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas la fête, ils oublient que c'est un art. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Niette, après niette, plus lourd et la mallette. Désormais au contrôle des manettes. Ça démarre dans le 9-2, ça continue dans le 7-7. Toi-même tu sais, fais bélec à 7-7. Qu'est-ce que tu veux dans ce jeu? Personne n'est correct. Ce que tu veux on le sait, quand t'as pété le bénéfice. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand un frère réussit, les autres veulent le descendre. Dans le temps y'avait du level, il y avait du niveau. Chaque nouveau groupe faisait deux nouveaux rivaux. Deux cartouches en main pour que le Waterman glisse en alerte. H24 à force de défier la justice, tout en évitant de foncer dans le mur. On laisse le vent passer, sans foutre en l'air notre futur. Ceux qui nous appelaient les loups à la décision, sont les mêmes qui se prennent pour des youths. Dans les beuclis, on se tape autant qu'on l'ouvre. On connaît notre sujet, à chaque claque, claque tes dents. Tu sens le vent tourner, old school, new school. Si on te demande, il y a une bonne ou une mauvaise école. Le troisième underground, c'est de la bombe. Les deux balles rassemblent, donc ça emballe. Ensemble, on arrivera à se comprendre. Tu pensais que c'était des bons MC? Des MC qui combinent Colja et Reality. Après l'orage, la tempête. Mon domaine, c'est faire du rap de temps. Et pas de la variette, le vent tourne, la roue tourne. Autant de sourires que de faux amitiés. Et dans mes poches, toujours une carte à jouer. On vole dessus d'un lit de coucou. Et quelle que soit l'époque, on reste toujours coucou. Qui nous sera utile qu'à l'état de cadavre? Je cracherai deux trois bastos, espèce de raptaille. Je t'apprendrai à mal parler des deux balles. Alors qu'on t'interdisait de sortir nous voir fusiller les salles, le hip-hop reprend ses droits. Genre soleil après pluie, mon petit marche bien droit et reste sur tes appuis. Tout ça vient du cœur, mais ce n'est pas gratuit. On a déjà marqué l'histoire, écoute bien ce qui suit. Dans un de ces putains de tiroirs, la rage est en moi, la rage est en moi. Je ne rentrerai dans un de ces putains de tiroirs, la rage est en moi. Est-ce que tu comprends ça? Oh mon bien, où est mon bien? Faut que je les prévienne, faut que tu fais projectile dans ta face. Je t'apprendrai à parler sur la mission de suicide. Je cracherai deux trois lyriques sur ta tongue, espèce de ratte. Les deux balles dégagneront jamais leur foi. Vous croyez peut-être qu'ici c'était la maison des jeunes MC. Toujours au top, toujours au top.